بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. Donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur la lecture et l'étude du livre Les règles exemplaires concernant les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc on est toujours sur l'étude, on a commencé dans la dernière assise, l'étude de la septième règle. Et dans cette septième règle, la dernière règle qu'a mentionné l'auteur dans son œuvre concernant les règles liées aux attributs. Pourquoi ? Puisque dans une partie, la première partie du livre, c'était des règles liées aux noms divins. Ensuite, dans la deuxième partie, l'auteur nous a mentionné des règles liées aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs divins. Et donc là, on est arrivé à la septième règle concernant les règles concernant les attributs, ce qu'on traduit en français, les qualificatifs ou les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Et donc dans cette septième règle, on a appris que l'auteur nous dit « Sifatullahi ta'ala tawqifiyya, la majala lil'aqli fiha, la majala » L'ilaqli fiha. Dans cette septième règle, on apprend que les attributs d'Allah Azza wa Jal se limitent au texte. C'est ça le sens lorsqu'on dit tawqifiyya. Tawqifi, c'est-à-dire qu'on se limite au texte sacré du noble Coran et de la sunna, de la tradition du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, l'auteur nous dit « فَلَا نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَلَى مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ عَلَى ثُبُوتِهِ » De ce fait, l'auteur nous dit « Nous affirmons pour le Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs qui sont indiqués dans le noble Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Dans la dernière assise, on a bien stipulé que l'auteur stipule, nous a référé à l'une des règles qu'il avait mentionnées concernant les noms. Et dans une des règles qu'il avait mentionnées concernant les noms, il avait stipulé aussi que Al-Asma ul-Husna sont tawqifiyya. Que les noms d'Allah Azza wa Jal aussi sont tawqifiyya. On se limite au texte. De sorte qu'il n'y a pas de place à la raison humaine. On ne peut pas inventer des noms pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, ces noms par laquelle on le nomme. Et dans différentes circonstances, on peut nommer et appeler notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lorsqu'on l'invoque. Il est bon, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, de l'invoquer par ses noms sublimes, par exemple. Donc l'importance pour le croyant de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'invoquer par ses plus beaux noms. Et d'ailleurs, dans un verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » Et Allah, lui appartient les noms sublimes, une traduction relative, hein, les plus beaux noms, invoquez-le par ses plus beaux noms. Et dans ces règles que l'auteur a mentionnées, il y a une règle où justement il nous enseigne que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tawqifiyya. Tawqifiyya, on se limite au texte. Sauf que là, il a stipulé, il a mentionné, exprimé cela en disant, en ce qui concerne l'énonce qui nous est rapporté, « Maja'a fil kitab wa sunna » Nous affirmons pour Allah les noms qui sont venus, qui sont rapportés dans le noble Coran et la tradition du prophète. Remarquez pour les attributs, et vous allez comprendre mieux dans ce qui va suivre, pour les attributs c'est subtil, il dit de la même manière qu'ils sont tawqifiyya, on se limite au texte, sauf qu'il dit, il n'a pas exprimé de la manière ما جاء في الكتاب والسنة mais il a dit مما دل أو ما دل الكتاب والسنة c'est-à-dire ce qui nous est indiqué par indication dans le noble Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans la dernière assise, on avait appris et étudié la différence entre ces deux manières de s'exprimer. C'est pour ça qu'on avait dit que si on se réfère à la règle, qui était la cinquième règle, vous pouvez vous référer à la cinquième règle dans le chapitre des noms. Dans le chapitre des noms, dans la cinquième règle concernant les règles liées au nom sublime de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, il dit « Asma'ullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil aqli fiha wa ala hadha fayajibu al-wukufu fiha ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah » Vous avez vu ?« Ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah fala yuzadu fiha wa la yunqas » Comme il stipule bien « Ala ma ja'a bihi al-kitabu wa sunnah » Donc, ce qui est rapporté dans le Coran et la tradition prophétique concernant la cinquième règle qu'il a mentionnée dans les règles liées au nom sublime. Dans cette règle-là, parmi les règles qu'il a mentionnées pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit ce qu'on affirme comme attribut. Pourquoi ? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé donc qu'il a des noms. Et par ces noms-là, il s'est donc nommé. Donc Allah, parmi ses noms, Allah. Allah fait partie de ses noms. Mais Allah Azza wa Jal a d'autres noms. Comment connaissons-nous ces noms ? Parce qu'on les retrouve dans le Coran. Dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal nous a informé à son sujet et nous a informé au sujet de ses noms. Donc il s'est nommé par des noms. Aussi bien dans le noble Coran, mais aussi dans la sunna, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on apprend, c'est que les noms par lesquels on peut appeler notre créateur, c'est les noms qui sont rapportés dans le Coran et aussi dans la sunna, dans la tradition prophétique authentique. Authentique. De ce fait, parmi les noms d'Allah, par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, et d'autres noms comme Al-Qawi, Al-Matin, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Aziz, Al-Hakim, tout cela font partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sujet-là est d'une immense importance, pourquoi ? Parce que à travers l'étude des noms sublimes d'Allah, azza wa jal, on peut connaître notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, et connaître celui qu'on adore, Jalla Jalalu. C'est pour ça que ce n'est pas en vain qu'Allah Jalla wa Ala nous a enseigné, informé au sujet de ses noms. Et il nous ordonne aussi, il nous appelle à l'invoquer par le biais de ses noms, comme on l'a dit précédemment. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs. Il a aussi des attributs. C'est pour ça que l'auteur nous a aussi bien mentionné des règles liées au nom sublime et des règles liées aux attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces attributs, on les retrouve dans les textes sacrés, dans le noble Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont indiqués. Il y a indication de ces attributs dans les textes. Donc ça, on l'a bien détaillé dans la dernière assise à titre de révision. Pour cela, l'auteur avait mentionné la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, qala, la yusafullahu illa bima wasafallahu bihi nafsah. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah, aw wasafahu bihi rasulu, wa la yutajawazul Qur'an wal hadith. Cette célèbre parole de l'imam Ahmed, où il dit, nous décrivons le Créateur, Allah Azza wa Jal, que par ce dont lui-même il s'est décrit. Que par ce dont lui-même il s'est décrit, ou bien par ce dont son messager l'a décrit. Wala yutajawazul Qur'an wal hadith. Et on n'outrepasse pas, et on ne dépasse pas les limites de ce qui est mentionné dans les textes sacrés, le Coran ou les récits prophétiques. Ça, c'est une parole qui s'apprend par cœur. Les grands étudiants en sciences, ces paroles-là, de grands imams, datant des premiers siècles, ils les apprennent par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des règles dans le domaine. La yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsa wa wasafahu bihi rasulu wa la yutajawazu al-Qur'an wa al-Hadith. Donc ça, c'est la partie qu'on a appris hier. Maintenant, on va continuer, concentrez-vous bien, cette autre partie où là, l'auteur maintenant va nous détailler encore ce sujet concernant les attributs. Qala. Regardez ensuite ce qu'il dit. Donc on continue. Wa li dalalati al-kitab wa sunnati ala thubuti as-sifa thalathatu awjuh. Remarquez que pour les noms, donc il avait bien, l'auteur s'est exprimé, c'est pour ça qu'en fait, pour s'exprimer sur le sujet, pour pouvoir parler et traiter du sujet, du thème, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut être un grand théologien, un grand savant, il faut être spécialiste du domaine. Pourquoi? Parce que là, on parle sur le Créateur, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des plus grands péchés dans l'islam, c'est de parler, de spéculer sur le Créateur sans savoir et sans connaissance. C'est pour ça que c'est un domaine qu'il faut étudier. Et celui qui est connaisseur, il peut parler du domaine. Celui qui n'est pas connaisseur, il ne faut pas s'aventurer dans des domaines qui sont périlleux. Pourquoi? Puisque là, on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs. Donc remarquez bien, remarquez bien. On a dit pour les noms, il dit c'est ce qui nous est rapporté, ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Les attributs, il dit, ils sont, on se limite au texte comme pour les noms, mais il dit que ces attributs-là, c'est ce qui nous est indiqué, c'est par indication dans le Coran, dans la tradition. Et là, il nous explique que cette indication-là, maintenant il va nous détailler cette indication-là dont il fait référence au début de la règle. Il nous détaille cela en disant l'idilalat al-kitab wa sunnah ala thubut as-sifat thalathatu awjuh. Il va citer cette indication-là qu'on retrouve dans les textes sacrés. Elle se divise en trois catégories. Il y a trois formes d'indication. Il y a trois formes d'indication. Après la connaissance et l'étude de cela, alors le croyant, le musulman et la musulmane, lorsqu'ils vont lire les textes, ils vont pouvoir ici discerner certains attributs, de savoir que dans ce verset, dans ce passage du Coran ou dans ce hadith, on a l'indication d'un attribut parmi les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est des règles très importantes. C'est des règles qui sont immensément importantes et très profitables pour le croyant. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Donc concentrez-vous bien et remarquez bien ce que dit l'auteur dans ce qui va suivre. Il dit wa dilalat al-kitab wa sunnah ala thubut as-sifa. Qala al-awwal, première indication. Tasrihu bis-sifa. Première indication. At-tasrihu bis-sifati kal-izzati wal-quwwati war-rahmati wal-batsh والوجه واليدين ونحوها ونحوها. Il dit premièrement, première indication, c'est que l'attribut, il est cité clairement. Autrement dit, l'attribut, il est cité d'une manière claire. On le retrouve clairement. Comme il dit à titre d'exemple, Al-Izza, par exemple. Sifat al-Izza, qui est mentionné. Wal-Quwwa. Wal-Rahma, par exemple. Wal-Batsh. Tout cela, Wal-Wajh. Wal-Yadayn. Tout cela, ces attributs qu'il vient de mentionner, à titre d'exemple, on les retrouve mentionnés clairement dans le Coran. Dans le Coran, cela, vous pouvez le retrouver. C'est pour cela que il dit, ensuite dans l'explication, il va mentionner les preuves. Les preuves dans le Coran, des versets par exemple, où vous pouvez retrouver que l'attribut est mentionné de manière explicite. De manière explicite. C'est ça lorsqu'il est dit, premièrement, « At-tasrihu bi-sifa. Par exemple, il a dit le premier attribut, il cite Al-Izza. Al-Izza, par exemple, la puissance. Vous pouvez retrouver l'attribut, le qualificatif d'Allah Azza wa Jalla, la puissance, indiqué explicitement dans le Coran. Allah dans le verset dit Walillahi al-izzatu wa li rasulihi. Allah appartient littéralement dans le verset Al-Izza. Donc on peut rester sur le terme en arabe Al-Izza. Pourquoi les savants disent qu'Al-Izza min sifatillah? Pourquoi? Parce que c'est cité là, c'est explicitement dans le verset Walillahi. Walillahi à Allah, littéralement. Appartient. Allah appartient à l'Izza. Donc les savants disent que sifat l'Izza, on peut l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah dit qu'à lui appartient à l'Izza. Et donc là, c'est cité d'une manière explicite. Donc, le verset, par exemple, en l'occurrence, ça c'est le verset 8 de la sourate Al-Munafiqun. De la sourate Al-Munafiqun. Vous retrouvez donc que le verset indique. Dans ce verset, il y a une indication. Vous comprenez maintenant lorsqu'on dit Ad-Dilala, Ad-Dilala, Al-Aya, Tadullu ala Sifat Al-Izza. Vous comprenez lorsqu'on dit que là, dans ce verset, il y a une indication. Il indique l'attribut. Il y a une indication concernant l'attribut de l'Izza. Sauf que cette indication, elle est explicite. Elle est claire. Walillahi Al-Izza. Walirasuli. Et on a, en ce qui concerne, sifat al-quwa. Al-quwa, en français, c'est la force. Qu'Allah, parmi ses attributs, al-quwa, la force. Dans un verset, Allah dit, inna allaha huwa al-razzaqu dhul quwwati al-matin. Et donc, Allah Azza wa Jal dit, Allah est celui qui accorde la subsistance, qui octroie la subsistance, souvent traduit al-razzaq par le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Zou al-quwwatil matin, celui qui détient la force qu'il décrit comme matin, comme matin. Et donc, zou al-quwwa, là, l'attribut de al-quwwa, c'est une personne dit, mais dalil, quelle est votre preuve que Allah détient sifat al-quwwa? Hadhihi al-aya, par exemple, ce verset, l'indication, elle est explicite ou non? Elle est explicite. L'indication, elle est explicite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a sifat ar-rahma, l'attribut de la miséricorde. L'attribut de la miséricorde. Dans le Coran, c'est cité d'une manière explicite qu'Allah azza wa jal détient la miséricorde. L'attribut de la miséricorde. Bien sûr, on a des versets, des passages dans le Coran où Allah azza wa jal nous informe qu'il est le tout miséricordieux. Mais ça, c'est son nom. Et on a dit parmi les règles que chaque nom sous-entend un attribut. Chaque nom sous-entend un attribut. C'est comme cela aussi qu'on peut comprendre, qu'on peut déduire des attributs. Qu'on peut déduire des attributs comme on le verra dans ce qui va suivre. Mais là, on parle de l'indication directe de l'attribut. Là, l'attribut est cité directement. C'est-à-dire, il est mentionné explicitement. Pourquoi? Dans un verset, dans le verset 58 de la sourate la caverne, Allah dit wa rabbuka al-ghafuru dhu ar-rahma. Et ton Seigneur est le pardonneur, le tout pardonneur, celui qui détient la miséricorde. Celui qui détient la miséricorde, c'est-à-dire qui détient l'attribut de la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc là, qu'Allah azza wa jal, lahu sifat ar-rahma, c'est cité d'une manière explicite. C'est pour ça que l'auteur le met dans cette catégorie. On a dit trois catégories d'indication. Première catégorie d'indication, at-tasrihu bis-sifa, lorsque l'attribut est cité d'une manière explicite. Aussi bien, par exemple, il va citer comme exemple, sifat al-batsh. Al-batsh, ici, sifat al-batsh, donc al-batsh, sa traduction relative, hein, si certains traduisent par la riposte ou autre. Al-Muhim, on reste sur le terme en arabe, sifat al-batsh. Dans un verset, Allah dit, inna batsh rabbika la shadid. Inna batsh rabbika la shadid. Certes, la batsh de ton Seigneur est shadid. Donc là, sifat al-batsh est cité d'une manière explicite dans le verset. Dans Surat al-Buruj, le verset 12. ويبقى وجه ربك. On a صفات الوجه, l'attribut du visage. L'attribut du visage, le visage est cité d'une manière explicite dans le Coran. ويبقى وجه ربك. Dans le verset, Allah dit, et restera le visage de ton Seigneur. Traduction relative. ودليل اليدين, la preuve aussi concernant l'attribut des deux mains. بل يداه مبسوطتان. Allah dit, بل يداه, il fait référence, mais ses deux mains, et les caractérise comme مبسوطتان. ينفق كيف يشاء ونحوها كالعين مثلا. Donc là, l'auteur donne des exemples concernant des attributs, sa première forme d'indication, des attributs qui sont mentionnés et indiqués dans le Coran d'une manière explicite. Manière explicite. الثاني, deuxième forme d'indication, تضمن الاسم لها مثل الغفور المتضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. La deuxième forme d'indication, c'est lié au nom. Comme on l'a cité précédemment, c'est lié au nom. C'est-à-dire que il y a les attributs qui sont indiqués à travers les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la règle, c'est que chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala induit ou sous-entend un attribut. Sous-entend un attribut. Est-ce qu'un nom peut sous-entendre plusieurs attributs ? Ou bien un attribut ? Est-ce qu'il sous-entend, un nom sous-entend qu'un attribut, ou bien parfois il peut sous-entendre plus qu'un attribut. Plus qu'un attribut. Parfois, plus qu'un attribut. Mais, des noms, un nom d'Allah Azzawajal sous-entend l'attribut. Par exemple, Allah huwa ar-Rahim, ar-Rahman, lahu sifat ar-Rahma. Donc, ça c'est une indication dans le Coran. Donc ici, l'attribut n'a, il n'est pas mentionné explicitement. Comment on le déduit? C'est pour ça qu'on parle de déduction. On parle de déduction. Comment on déduit l'attribut? Du fait qu'il y a la mention du nom. Et chaque nom dénote ou sous-entend, ou plutôt induit, un attribut. Chaque nom induit un attribut. Donc là, cette deuxième forme d'indication, c'est par rapport à l'induction. Par rapport à l'induction, c'est-à-dire que chaque nom induit un attribut. Et de ce fait, on déduit tel et tel attribut. Par exemple, Allahu al-Qawi, qu'est-ce qu'on déduit ? Sifatul Quwwa. Par exemple, Allahu al-Samir, on déduit quoi ? On déduit Sifat al-Sam'a. Allahu al-Basir, on déduit Sifat al-Basar, par exemple. Donc ça, c'est par déduction. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit précédemment, chaque nom induit un attribut. قال في الشرح بأن تكون الصفة غير منصوص عليها بعينها لكن الاسم يتضمنها. Regardez, pourquoi on parle d'indication ? Parce que lui-même, l'attribut, n'est pas mentionné explicitement. Mais par contre, on le déduit par rapport à la mention du nom. وقد سبق لنا أن أسماء الله لا يتم الإيمان بها إلا بإثباتها أسماء لله عز وجل وإثبات ما تضمنته من صفة وإثبات ما تضمنته من الحكم إذا كانت متعدية. Regardez ce qu'il dit. C'est pour ça que l'auteur nous réfère à ce qu'on avait appris précédemment. Qu'est-ce qu'on avait appris précédemment parmi les règles liées au nom sublime d'Allah Azza wa Jal? On avait appris que notre croyance au nom d'Allah sous-entend, ou plutôt implique, qu'on croit au nom, en son nom. Par exemple, lorsqu'on lit Allah huwa ar-Rahman ar-Rahim, donc ça implique qu'on croit en son nom, qu'il fait partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, mais aussi ça implique d'affirmer l'attribut qui est induit et sous-entendu. Ça fait partie de notre croyance au nom d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'on a dit croire au nom d'Allah, ça implique affirmer le nom et affirmer aussi l'attribut sous-entendu. Quand regardez, le cheikh le dit, « وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ أَسْمَا اللَّهِ لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ بِهَا » On a appris que la croyance au nom d'Allah ne sera point complète et entière jusqu'à ce qu'on croit et on affirme au nom et aussi en l'attribut qui est sous-entendu. C'est ça la croyance chez les gens de la sunna. Chez les gens de la sunna, de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croire au nom d'Allah, c'est cela. Ça implique affirmer le nom, mais aussi affirmer l'attribut qui est sous-entendu. Et aussi, une troisième chose, dans certains cas, une troisième chose qu'on avait appris, justement, c'est pour ça qu'il est bon de toujours réviser les règles, une troisième chose qu'on avait appris dans ce cas-là. Lorsque, par exemple, le nom, en quelque sorte, est transitif. Lorsque le nom est transitif, c'est-à-dire qu'il y a effet sur autrui. Par exemple, en ce qui concerne le nom d'Allah, effet sur ses créatures. Effet sur son créature, on a dit que là, il faut croire une troisième chose, c'est-à-dire en l'implication. Au jugement et l'implication. C'est-à-dire, le nom, par exemple, As-Sami'a. As-Sami'a. As-Sami'a, par exemple, le fait qu'Allah Azzawajal soit l'audient. On a dit As-Sami'a, donc on doit affirmer le nom. Première chose, on doit affirmer le nom. On a dit pour croire entièrement au nom, il faut affirmer le nom. Et affirmer quoi? L'attribut qui est sous-entendu. Mais si par exemple le qualificatif, l'attribut par exemple, le qualificatif il est transitif, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur autrui, en l'occurrence ici sur les créatures. On a dit il faut croire maintenant une troisième chose, al-hukm wa al-muqtada, al-muqtadayat, les implications. Le fait qu'Allah Azzawajal, il est l'audient, qu'il a l'attribut de l'audience, donc il entend tout, ça sous-entend quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes nos paroles secrètes, nos cachotteries, nos paroles publiques. Allah azzawajal a connaissance et entend toutes nos paroles et tous nos propos. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-muqtada. Al-muqtada, l'implication. Donc c'est un effet sur les créatures. Ça a un effet sur les créatures. Donc on a dit, lorsque ça a un effet sur les créatures, il faut croire en l'implication de cela. Al-hukm ou al-muqtada. C'est ça ce que va sous-entendre l'auteur, regardez dans l'explication lorsqu'il dit وَقَدْ سَبَقَ أَنِ سَبَقَ فِي دِرَسَةِ الْقَوَاعِدْ فِي الْأَسْمَى قَالَ وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ لَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ بِهَا إِلَّا بِإِثْبَاتِهَا أَسْمَاءً لِلَّهِ اولا ثانيا واثبات ما تضمنته من صفه ثانيا واثبات ما تضمنته من الحكم اذا كانت متعديه اذا كان من الحكم اذا كانت متعديه الثالث donc ça c'est ensemble la deuxième indication. Donc vous avez vu dans la deuxième indication l'attribut n'est pas cité explicitement, mais on le déduit. Lorsque, par exemple, il y a mention du nom. Troisièmement, maintenant, comment on peut déduire des attributs? Comment ces attributs-là peuvent être indiqués dans les textes sacrés? Al-thalithu qala. Troisièmement, al-tasrihu bifi'alin au wasfin dallin alayha. Kalistiwa'i ala l'arsh wa al-nuzul ila s-sama. الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة أو قال والانتقام من المجرمين الدل عليها على الترتيب كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون Troisièmement, maintenant, écoutez bien ce que l'auteur dit. Troisième forme d'indication, il dit lorsque l'acte est désigné. Écoutez bien, il dit lorsqu'il y a désignation de l'acte ou, regardez, en arabe, si on dit le terme en arabe, lorsqu'il y a désignation, tasrih, de l'acte ou bien du wasf. On reste sur les deux termes en arabe pour bien qu'on puisse comprendre. El fi'l, donc c'est l'acte, c'est l'action. Ou al wasf, ici on va le traduire par la description, le descriptif. On va le traduire par le descriptif. Est-ce que Cheikh ici, lorsqu'il dit wasf, yurid as-sifa, Allahu a'lam. Est-ce lorsqu'il, le Cheikh ici, dit wasf, qui est le descriptif, est-ce que lui sous-entend as-sifa, Allahu a'lam. Certains, dans l'explication minutieuse des termes, ils disent que le Cheikh ici ne désigne pas forcément as-sifa. Il ne veut pas forcément désigner as-sifa. On retrouve dans l'un des commentaires où il dit qila inna as-sifa wal wasfu mutaradifan. Pourquoi cette subtilité? Du fait que dans la langue arabe, as-sifa wal wasf sont synonymes. Si on confirme que dans la langue arabe il y a taradouf, il y a des synonymes. Ceux qui confirment qu'il y a des synonymes disent que le terme as-sifa wal wasf sont synonymes. Vous comprenez bien, lorsqu'on dit as-sifa, c'est vraiment, c'est ça qu'on traduit par l'attribut. L'attribut. Et souvent, on a le terme as-sifa, on a le terme al-wasf. Al-wasf, c'est la description, le descriptif. Parfois, on pourrait se dire que le wasf, c'est as-sifa. C'est as-sifa. Du fait que as-sifa ou al-wasf sont synonymes. Sont synonymes. Waqila baynahuma taghayur. Mais il est dit qu'en fait, entre les deux termes dans la langue arabe, donc là on est dans les subtilités de la langue arabe, mais il est dit qu'en fait dans les deux termes as-sifa ou al-wasfu, il y a taghayur, il y a quand même différence et nuance. Il y a nuance entre al-wasf wa as-sifa, les deux termes. Wa dhahiru anna murad al-mu'allif. Ça c'est dans l'un des commentaires. Wa dhahiru, il est dit anna murad al-mu'allifi min al-wasfi huna huwa ism al-fa'il. Ou al-ism al-fa'il. Et il est dit, parce que certains ont observé, c'est minutieux, c'est très important, fi bab al-aqida, que Cheikh ici, lorsqu'il dit al-wasf, il parle de descriptif, en l'occurrence ici, il a mentionné le terme al-wasf, ce qu'il veut sous-entendre ici, c'est l'ism al-fa'il, le nom d'action. L'ism al-fa'il, le nom d'action. Ism al-fa'il, c'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action. Ismun fa'il. Par exemple, celui qui parle. Al-mutakallim, c'est celui qui fait l'action de parler. Al-mutakallim, c'est ismun fa'il. Qala, ou qila, wa dhahiru anna murad al-mu'allifi min al-wasfi huna huwa ismil fa'il kama fil mithali alladhi ata bihi. Comme on va le voir dans l'exemple dans lequel que l'auteur va mentionner. Surtout ça, retenez bien, ça c'est des fawaïd. Hein. Retenez bien cela, c'est des fawaïd. Qila. Le pire, moi je vous ai dit qala, mais je suis revenu, j'ai dit ensuite qila. Parce que la personne dans le commentaire qui mentionne ça, c'est une sœur. C'est pour ça que j'ai dit qala, thumma taraja'a. J'ai dit qila. C'est une sheikha. C'est la sheikha dont je vous avais déjà parlé, qui a fait le commentaire de Al-Qa'id Al-Muthla. Et par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, une personne nous a fait le don du livre, et Ajib, il y a des fawa'id, Ajib, qu'on ne trouve pas dans d'autres commentaires. On a Bard al-Fawa'id fil l'Ura, il y a des fawa'id qui sont daqiq jiddan fil l'Ura. C'est vraiment un commentaire, il y a des annotations vraiment pour talabat al-ilm. Et justement, dans son commentaire, c'est elle qui dit, la Sheikha, elle dit, qu'en fait, le voulu du shir, c'est que, et elle va dire dans l'exemple, ça va apparaître, que le shir mentionne, elle dit le voulu du shir, lorsqu'il dit al-wasf, c'est pas sifa. C'est le descriptif. C'est minutieux. Pas forcément qu'il veut dire l'attribut. Ensuite, elle dira, dans la troisième annotation, puisque elle va faire ici six annotations sur ce point. Donc ça, c'est la première annotation. Dans la troisième annotation, elle va dire « عَرَفْنَا أَنَّ هُنَكَ فَرْقًا بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْوَصْفِ » Ce qu'elle va mentionner, elle va dire pourquoi. Elle va dire « On a appris maintenant qu'il y a une nuance et une différence entre un sifa, entre l'attribut ou al-wasf et le descriptif. En arabe, c'est, on faut rester sur les termes en arabe maintenant, al-sifa ou al-wasf. Al-sifa ou al-wasf. Wa anna dilalat al-sifa takunu bit-tasrih biha wa kadhalika tathbut al-sifatu bit-tasrih bil-wasf kal-intiqam fa huwa sifatun fi'aliyah wa sayati al-kalam fi ma yati inshallah. عند كلام المصنف رحمه الله تعالى. Donc de ce fait, par rapport à l'exemple, elle stipule dans son commentaire qu'il y a bien une différence entre as-sifa et le descriptif, entre l'attribut et le descriptif. C'est pour ça que lorsque on est en train de lire et de traduire, je vous ai dit on va bien rester sur les termes en arabe. Regardez maintenant, on revient. Troisième indication. قال المصنف التصريح بفعل أو وصف. Lorsqu'il y a une désignation explicite dans les textes de l'acte ou du wasf. C'est pour ça qu'il fallait ici essayer de comprendre le wasf. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par le wasf? Ça peut pas être un sifa. Puisque là, dans ce cas-là, un sifa n'est pas mentionné explicitement. Dans le premier cas, un sifa, on a dit, lorsqu'elle est mentionnée explicitement. Pour l'aïza, ou al-kuwa, ou al-rahma, ou al-botch, ou al-waj, ou al-yadain. Ces exemples-là, c'est cité explicitement, le sifa. Sauf que là, la troisième indication, un sifa n'est pas forcément mentionné explicitement. Mais là, il y a une indication. Comment? Lorsque c'est l'acte ou bien le wasf, le descriptif qui est désigné. Vous allez comprendre. C'est vrai que quand on mentionne les termes, ensuite avec les exemples, ça devient plus simple. Donc, lorsque, on peut rester sur deux termes en arabe maintenant, lorsque c'est le firl, ou al-wasf qui est désigné dans le texte. Dallin alayha. Et donc que l'action, ou l'acte par exemple, ou bien le descriptif, il indique un attribut. Il indique un attribut. Tout simplement comme al-istiwa. Par exemple, al-istiwa. Al-istiwa, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, istawa, s'est élevé au-dessus de son trône. Comme sifat an-nuzul. L'attribut de l'istiwa, l'attribut de An-Nuzul, le fait qu'Allah Azzawajal descende au dernier tiers de la nuit au premier ciel. Par exemple, Al-Maji, Sifat Al-Maji. Par exemple, et là on va prendre le commentaire. Est-ce que dans le Coran, il est dit Sifat al-Istiwa? Dans le Coran, est-ce qu'il est dit Sifat al-Istiwa? Par exemple, quelqu'un te dit « Ma dalil ala sifat al-istiwa ?» Est-ce que tu lui réponds « Sifat al-istiwa, elle est citée explicitement dans le Coran ?» Non, c'est le verbe qui est cité. Le fi'l. « Ar-Rahman ala al-arshi istawa » Puisque « al-istiwa ou » « al-istiwa ou » c'est la sifa, c'est l'attribut. On appelle ça l'attribut de l'istiwa. L'attribut de l'istiwa. Qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran? Al-Fi'l. C'est l'acte. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Istawa. Le tout miséricordieux, c'est istawa ala arshihi. C'est élevé. On a dit, les pieux prédécesseurs, dans les premières générations, on expliquait quatre sens à l'istiwa. Avec quatre sens, on peut dire l'élévation, le fait de s'établir, puisque ala, وَرْتَفَعَ وَصَعُدَ comme on avait dit. Donc Allah Azza wa Jal وَاسْتَقَرْ Allah Azza wa Jal, on peut dire, s'est élevé, s'est établi au-dessus de son trône. Sur son trône. Ça, al-istiwa, donc est mentionné. Est mentionné dans le Coran. قَالَ الشَّيْخ وَرَدَ إِنَّمَا هُوَ اسْتَوَى بِالْفِعْلِ Donc, al-fi'l. C'est ça qui est mentionné dans le Coran. هذا الفعل يدل على شيئين. Là, ça va être un peu plus complexe. Moi, je vais le faire très simple. Puisque هو يقول في الشرح لا تجد اسما من مادة استوى لكن لك أن تقول إن الله مستو على العرش. واستوى فعل. واستوى فعل. فإذا قال قائل كيف تأتي بمستو اسم فاعل والذي ورد إنما هو استوى يعني الفعل بالفعل نقول لأن هذا الفعل يدل على شيئين على حدث وزمن وإن شئت فقل على معنى وزمن فالمعنى في استوى الاستواء المعنى في استوى الاستواء والزمن الوقت والزمن الوقت المهم. Donc ici l'attribut de l'istiwa on le déduit de quoi? Du fi'l. Dans le Coran c'est l'acte qui est mentionné. Donc tout simplement l'auteur nous dit comment il y a indication dans un texte, par exemple dans un verset ou dans un hadith sur un attribut. La troisième catégorie, c'est lorsque l'acte est mentionné clairement, explicitement. Là, vous avez vu, contrairement à la première catégorie, c'est pas l'attribut qui est mentionné explicitement. Mais là, c'est, par exemple, l'acte ou bien le descriptif. Par exemple, il dit... De ce fait, j'avance un peu. قال ويصح أن تقول إن الله تعالى نازل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فإن قيل كيف تقول نازل والحديث يقول أو يقال فيه ينزل فنقول أن الفعل يدل على المعنى الذي هو النزول الذي هو النزول. Donc vous avez vu, on a le fi'l. Par exemple dans le hadith du prophète, par exemple il n'est pas dit Sifat an-nuzul. On a par exemple Sifat an-nuzul, l'attribut de la descente. Ça, c'est tiré d'un hadith. Donc là, on a un exemple, par exemple, dans le hadith. Dans un hadith authentique, il nous est dit qu'Allah descend. En arabe, il est dit yenzilu. Au dernier tiers de l'année, au premier ciel. Est-ce que dans le hadith, il est dit Sifat nuzul? Puisqu'on dit l'attribut de la descente. Est-ce qu'il dit l'attribut de la descente dans le hadith? Non. Donc, Sifat al-Nuzul, il n'est pas dit explicitement, mais on déduit du fi'l, du verbe. Là, on dit le verbe pour bien comprendre, de l'acte. Il est dit Allah descend. L'acte. Donc, si l'acte est mentionné, ça sous-entend qu'il y a l'attribut. Donc, on déduit, il y a la déduction de l'attribut de la descente. Vous comprenez? Donc là, comment on a pu déduire l'attribut? Par rapport à la mention explicite de l'acte. La mention explicite de l'acte. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Regardez par exemple صفات المجي, la venue d'Allah Azza wa Jal. L'attribut, parmi les attributs d'Allah, la venue. On le déduit par exemple du verset et ton Seigneur وَجَاءَ رَبُّكَ, ton Seigneur est venu. وَالْمَلَكُ, les anges ainsi, en rang, viendront. Donc, est venu ton Seigneur. Est venu, c'est l'acte, c'est le fi'l qui est mentionné. Les savants ont déduit, donc il y a, ça sous-entend, ça induit plutôt, l'attribut de l'Maji, sifat al-Maji. Donc, l'Maji n'est pas cité comme cela, mais parce que c'est déduit de l'acte qui est mentionné dans le texte. فَإِذَا قِيلَ إِنَّ كَلِمَةَ الْإِنْتِقَامِ ليست موجودة في الكتاب والسنة فنقول دل عليها قوله منتقمون منتقمون فإن هذا وصف دل على الصفة التي تضمنها التي تضمنها. Ensuite le cheikh aussi a donné un autre exemple قوله إن من المجرمين منتقمون منتقمون. Il a cité aussi l'exemple de Al-Intiqam, Sifat Al-Intiqam. Il cite l'exemple de l'attribut, par exemple, de Al-Intiqam, c'est la vengeance. L'attribut de la vengeance. Est-ce qu'on confirme l'attribut de la vengeance? Que Allah Azzawajal, à lui, il détient l'attribut de Al-Intiqam en arabe, de la vengeance. Oui. Il a l'attribut de la vengeance. Pourquoi? Parce que dans un verset, Allah Azzawajal dit Inna minal mujrimina muntaqimun. Il dit, concernant les criminels, il dit muntaqimun. Nous sommes vengeurs. Une traduction littérale du verset. Donc, concernant les criminels, les mujrimin, Allah Azzawajal, c'est yantaqim. C'est yantaqim. Donc, les savants ont déduit ici l'attribut de al-intiqam. Al-intiqam. Et ici, c'est al-was. C'est le descriptif. Parce qu'Allah Azzawajal a dit, regardez ici, c'est pour ça que l'auteur a dit, lorsque on a dit deux termes, l'acte ou bien, c'est quoi la deuxième chose, est mentionné explicitement. C'est quoi la deuxième chose qu'on avait mentionné avec l'acte? Le descriptif. Ici, par exemple, muntaqimun, nous serons, moi je vous traduis littéralement, vengeurs. Ici, est-ce que c'est un acte ou bien c'est un descriptif? C'est un wasf. C'est pour ça que ça peut être un acte, comme on a dit, waja'a rabbuk, c'est le faire, c'est l'acte. Par exemple, al-istiwa, ar-Rahman al-Arshi, istawa, on a dit que c'est l'acte. Yanziru rabbuna. Par exemple, yanzil, c'est l'acte. Mais là, inna min al-mujrimina muntaqimun. Là, c'est wasf. De ce wasf, ce descriptif-là indique l'attribut. Le wasf ici, le descriptif, il indique l'attribut. Là-de-là, et ce verset-là, il est dans la sourate Sajda, de la prosternation. Qal al-Shaykh, regardez ce qu'il dit. Il dit, فَإِنَّ هَذَا وَصْفٌ دَلٌّ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا تَضَمَّنَهَا. طيب. Je pense qu'on va s'arrêter sur cela. Là, on a appris les trois choses très importantes, les trois formes d'indication. Donc, on a terminé avec Sifat al-Intiqam. Ensuite, en ce qui concerne le nom, est-ce que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, on a Al-Muntaqim? Vous trouvez dans certaines listes, parmi les noms d'Allah, Al-Muntaqim. Mikhtalaf al-Ulama. Les savants, par rapport au nom, beaucoup de certains savants voient et considèrent que Al-Muntaqim ne fait pas partie de Al-Asma al-Husna. Al-Asma al-Husna. Vous pouvez voir que certains l'ont mentionné dans la liste d'Al-Asma al-Husna, et on a pu constater que lui-même, l'auteur, Shirmul Al-Faymin, ne l'a pas mentionné dans sa liste. Pourquoi? Parce que certains savants, parmi les règles, pour déduire les noms sublimes, parmi les règles, il ne faut pas qu'ils soient, qu'ils dérivent d'un ism fa'il, ou du fi'l. Il ne faut pas qu'ils dérivent du fi'l. Et c'est pour ça que certains savants, par exemple, ne l'ont pas recensé parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve cela dans certaines listes, mais certains savants considèrent que le plus juste, c'est qu'il ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah azza wa jalla. Par contre, on peut informer au sujet d'Allah, même s'il ne fait pas partie de ces noms sublimes, Allah détient l'attribut de l'intiqam. On peut informer à son sujet. Vous, al-intiqam, par exemple. On peut informer à ce sujet et le décrire de la sorte. Wallahu a'lam. En tout cas, certains savants le considéraient comme min asma'illahi al-husna, et d'autres savants, beaucoup de savants, en l'occurrence, c'est l'avis de Shirmul Al-Faymin, que celui-ci n'est pas recensé parmi al-asma al-husna. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'la. طيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Vous avez vu que parfois il y a des choses qui sont très importantes d'apprendre. Donc parfois on pense qu'on maîtrise. Certains frères, on parle avec eux, ils disent qu'ils maîtrisent la aqida. Je suis un connaisseur du tawhid, de la aqida, alors que si on rentre dans ces sujets-là, on interroge dans les subtilités de ces sujets-là, la ya'rifuna hadha. Ça prouve qu'on n'a pas une maîtrise en réalité de la croyance. Donc ça, à la base, al-qa'id al-muthla, même si certains diront que c'est un niveau élevé, al-qa'id al-muthla, mais en fait, ça, c'est une introduction. C'est le début. Ça, ce que Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il a rédigé ce livre, c'est pour rentrer, justement. C'est une sorte d'introduction à l'étude des livres de croyance concernant l'asma ou sifat. C'est pour que lorsqu'ensuite l'étudiant ou le lecteur, il va commencer à étudier des livres comme l'Umat al-Atiqad, ou bien l'Aqida al-Wasitiya, ou bien l'Aqida al-Tahawiya, ou bien al-Hamawiya, ou bien al-Tadmuriya, ou bien d'autres livres, qu'il ait des bases. Mais à la base, c'est une muqaddima. Ça, c'est lorsque vous regardez dans certaines universités ou certains centres d'études de théologie, lorsqu'on apprend, on commence à rentrer dans le domaine de l'aqidat al-asma ou sifat, beaucoup de savants voient le bien fondé de commencer par apprendre al-qa'id al-muthla. Donc, si on nous dit c'est un peu complexe, naam, peut-être, c'est un peu complexe, et est-ce qu'on a vraiment le niveau, on dirait que ça veut dire que là, on ne peut pas commencer les livres de base de débutants. Parce que ça, c'est pour débuter. Puisque là, on est dans l'asma ou sifat. Et il y a des frères, ça fait, vous savez, après, il faut quand même comptabiliser les années. On a des frères, alhamdoulilah, ça fait une décennie qu'ils sont assis à des cours. Et si vous comptez les années, et au bout de certain nombre d'années, vous êtes toujours à usul thalatha, c'est bien. Usul thalatha, faut toujours les réviser, qawaid al-arba'a, usul thalatha, mais il faut ensuite continuer dans l'apprentissage, dans les livres, jusqu'à atteindre une maîtrise. Jusqu'à atteindre une maîtrise du sujet. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.